Et pourtant, quelqu'un qui est capable de couper son dialogue intérieur pendant une demi-heure devient instantanément un maître selon certains chemins. Ils en mettent pas mal. Parce que le dialogue intérieur, il y en a, ils n'ont même pas ça. Puis ça vole pas haut. Donc, vous êtes capable de s'opposer à. Puis là, tout d'un coup, à un moment donné, ils sont bouchés. Là, vous savez, moi, les chamans. Prenez les chamans là, dans le sud-ouest des États-Unis là, qui avaient des capacités extraordinaires. Puis ils faisaient des cérémonies là, pour faire des tuniques là, qui arrêtaient les balles. Puis ils sont où? Maintenant, ils sont tous morts. Puis pas de cause naturelle, nécessairement. Dans le sens, on est bien naïf. Si on pense que la chamanerie, là, ça, c'est de la régression. Les chamaneries, là, moi, tant qu'à moi, c'est de la régression. Regardez là, les hosties de chamans avec le crise de drogue. Là. Non. Il y a une hostie de mode, là, l'ayahuasca, puis ci, puis ça, puis blablabla. Puis le monde sont mal formés. Puis après ça, ils se ramassent. Ils ont affaire à des plans qu'ils ne comprennent pas nécessairement. Tant que le chamanisme, ça ne va pas plus haut que l'astral, ça, là. Puis après, ça vire fou, ça fait des psychoses toxiques, il y a des meurtres. Oh là, à un moment donné, le tabarnak. Venez pas rire de moi. Dans le sens que, venez pas me faire chier les hosties de crise de chaman. Calice. Pourquoi vous pensez que ces civilisations, même pas des civilisations, parce qu'il n'y avait pas l'écriture souvent, mais pourquoi vous pensez que ces mentalités-là du paléolithique, il y a eu des génocides, puis hein, c'est la fréquence la plus haute qui l'emporte. Puis c'est rendu que, oui, il y a de la perception extrasensorielle, puis il était bien savant quelque part. Mais jusqu'à un certain point, là, à un moment donné, c'était le temps de l'intellect puis du mental, puis la fréquence était plus haute que ces affaires-là. Fait que, hein, on ne fera pas à croire que, comme le brahman qui se met de la bouse de vache à moitié squelette sur le bord du Gange, qui médite en revoyant passer les déchets, que c'est de l'intelligence. Puis c'est pareil pour le reste.